En Corée, les rassemblements des travailleurs agricoles, des membres de l'Union des agriculteurs, des permanentes et membres de l'Union des femmes se sont déroulés les 13 et 14 en signe de soutien absolu à la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Dans les meetings tenus à la ferme coopérative d'Okto de l'arrondissement de Ryongan, ville de Nampo, et à la place du monument aux idées du Jyotse, on a lu tout d'abord la déclaration du gouvernement suivie des interventions. Les orateurs ont stonné d'un bout à l'autre la déclaration susmentionnée qui a proclamé solennellement de punir 1000 fois les crimes scélérats américains commis à notre État et à notre peuple. Ils ont appelé tous à s'unir plus étroitement autour des dirigeants suprêmes Kim Jong-un et à progresser au maximum pour la victoire finale du socialisme sous le drapeau de la ligne de promotion parallèle du développement de l'économie et des armements nucléaires du Parti du Travail de Corée.